Merci de ce descriptif, vraiment de cette traversée du désert. Je reprendrai votre image d'architecture carcérale. C'est vraiment une image qui parle, tellement elle est forte, effectivement, d'expérience. Et voilà, même si cette expérience, effectivement, concerne des passifs, principalement, c'est pas niable, en termes de discrimination et de ségrégation. Hein, je crois qu'il faut quasiment parler d'un système hypocritement ségrégationniste, hein, sur un certain plan, sur un plan institutionnel. Hein. Vous avez évoqué des obstacles épistémologiques à la promotion à l'existence même des études postcoloniales, en particulier sur la question coloniale elle-même, la guerre d'Algérie comme étant cette pierre d'achoppement entre les peuples, hein, français, algériens et du Sud d'une manière générale. C'est vrai, c'est indéniable, hein, la guerre d'Algérie. On pourrait aussi parler de l'actualité néocoloniale, vous avez parlé du néocolonialisme. Et c'est vrai qu'il y a cette contemporanéité qui est quasiment impossible à prendre en évidence, qui s'appelle la France-Afrique. Hein. Il y a des associations telles que Survie qui travaillent d'une manière spécialisée sur cette question sans que cela aboutisse dans le débat public et aussi dans le débat académique. Par exemple, des événements très graves tels que le génocide au Rwanda ou les événements en Côte d'Ivoire qui ne donnent lieu à aucune analyse rationnelle qui permettent de sortir finalement d'une certaine propagande, hein, donc d'une pensée unique qui est de l'ordre de la colonialité la plus immédiate et qui finalement a peu de différence avec la colonialité d'avant les fameuses indépendances, hein, qui sont souvent des indépendances nominales pour l'Afrique subsaharienne. Et quand même, au niveau de cette chape de plomb, des philosophes, puisque vous avez parlé de cette difficulté en philosophie à traverser le mur du son, quoi, hein, ce plafond de verre, hein, des gens comme Achille Mbembe, des rares, j'imagine, mais effectivement, avec des historiens, Pascal Blanchard, Durper, hein, travaillent. Il y a quand même une nouvelle génération qui travaille quand même à sortir un peu la pensée française de ce que Mbembe appelle la provincialisation à l'échelle du monde, puisque le monde, il est objectivement multipolaire, hein, depuis la chute du mur de Berlin, et que bien sûr, l'axe Est-Ouest n'est plus un axe prévalent. Ce sont les relations de Nord-Sud qui dominent actuellement, même si elles sont sous l'angle d'une conflictualité extrêmement brutale, pour la plupart du temps, elles deviennent un élément axiologisant. Et des gens comme Achille Mbembe, effectivement, travaillent à dire, avec Pascal Blanchard, Durper et d'autres, qu'effectivement, on peut quand même essayer de remonter la pente, même idéologiquement, même philosophiquement, et sortir la communauté française, bon, on va voir si on reprend ce terme, hein, bon, je vais essayer de le défendre quand même, de cette provincialité. Parce que l'ethnocentrisme est enfermant, et que malgré cette ouverture institutionnelle qu'a l'État français, hein, on le voit actuellement avec la COP21, il y a des phénomènes étonnants d'enfermement. Hein, qui nous dit qu'effectivement, que dimanche soir, il n'y aura pas un parti extrême qui va essayer de prendre des leviers de commande considérables, alors même que l'état de droit est censé finalement offrir au monde une face, effectivement, une face de droit de l'homme, droit de l'hommiste tout à fait progressiste. Hein. Il y a donc des revers de la médaille qu'il va falloir étudier, de manière à voir comment, au niveau épistémologique, on peut arriver à sortir de ces ornières et de ces impasses. Je voudrais, excusez-moi, de juste mentionner qu'en fait, ils n'ont pas du tout les mêmes points de vue, Blanchard, Durper et Mbembe, parce qu'Achille Mbembe dit explicitement que la France se trouve dans un cul-de-sac épistémologique en matière d'études postcoloniales. Et dans c'est très bien d'ailleurs qu'il ait réussi à avoir cette audience, mais l'audience d'Achille Mbembe, elle est vraiment liée à son parcours. À son détour par les États-Unis, en fait, parce que c'est ici qu'il a fait ses études. On parle de gens qui ont fait leurs études en France, on ne parle pas de gens qui ont fait leurs études aux États-Unis. C'est-à-dire, on parle de gens, Souleymane Bachir-Yann, Jean-Geoffroy Bidima, etc. Ils ont fait leurs études ici. Et c'est quand même, il y a quand même un paradoxe à former des gens et à ne pas les recruter. C'est ça la contradiction. Moi, je dis en général. Si vous voulez, qu'un espace colonial, c'est un espace de la contradiction. Moi, je déteste les procès. Hein. Je n'ai pas du tout cette vision. Et en plus, il ne faut pas être anachronique et considérer qu'on est à l'époque de la guerre d'Algérie. Hein, parce que quelquefois, ça arrive Il y a des gens qui interviennent dans le public comme si on était là à faire pan-pan-pan pendant la guerre d'Algérie, alors que ça s'est terminé en 1962. Mais on est dans des contradictions. Quant à la position de Blanchard et de Durper, lui, il a fait des tours par les études américaines. C'est les études de civilisation américaine, François Durper. Et quant à Pascal Blanchard, c'est encore une autre histoire. Oui, mais là, il y a espoir, effectivement, qu'on puisse aboutir quand même une pensée organisée. Et moi, je citerai un autre auteur au niveau de la littérature, Mabankou, hein, également en exercice aux États-Unis, et qui est à l'origine du concept, avec d'autres, de littérature monde pour sortir de l'enfermement de la littérature francophone, dans ce cas-là, effectivement, de complètement enfermé dans un carcan, dans le carcan de la francophonie officielle. Et donc, une espèce de confidentialité qui empêche toute créativité en tant que telle. Donc, c'est sûr qu'il y a, il y a nécessité à élargir le cercle. Et de ce point de vue, la question du... Je peux faire une petite annonce sur Mabankou, parce qu'il vient quand même d'être nommé à la chaire de création artistique du Collège de France. Oui. Donc, je ferme la parenthèse. Il y a quand même des modifications, mais elles se font à la marge. Voilà. Alors, donc, effectivement, élargir le cercle. Alors, la question de la communauté nationale, sans vouloir polémiquer, mais effectivement, ça peut être un élément de débat. Et après, bien sûr, tout le monde aura la parole pour donner son avis. Bon, il me semble que quand même l'histoire de France a créé des cohérences, des cohésions, et que la logique, effectivement, est d'élargir le cercle. Si on considère qu'il y a une multiculturalité de fait de la société française, il faut savoir inclure, voilà, intégrer étant un mot qui est mal connoté, inclure de manière relativement correcte. Voilà. En sachant que finalement aussi, c'est la suite de la question coloniale, hein, automatiquement, dans la mesure où il y a eu conquête, projection vers le sud, il est bien normal qu'il y ait eu le phénomène inverse au niveau migratoire, hein, immigration. Et donc, ce sont d'autres manières d'être aussi qui peuvent nous être importées par la même, parce qu'il y a eu apport culturel en même temps que, effectivement, captation de richesses au sud. Indéniablement, le phénomène démographique inverse est aussi un retour culturel, puisqu'il apporte d'autres modes de vie, d'autres valeurs. Et qu'à ce titre-là. Je suis vraiment très désagréable, excusez-moi. Non. Mais c'est à propos d'immigration. Oui. De migration, je veux dire. Oui. Parce que, bon, c'est une interprétation, bien sûr. Hein. C'est une interprétation, je ne veux pas. C'est pas. C'est que ce qui m'est apparu au fil de mes recherches, et c'est le point où j'en suis actuellement, c'est que en fait une situation coloniale est tout à fait comparable et peut être analysée en termes de migration. Parce que voilà, quand on appartient, on vit dans une colonie, on vit dans un. On vit sous une loi étrangère. On vit sous une langue étrangère et on vit dans un pays qui n'est pas considéré comme le sien propre, mais qui est considéré comme celui de l'autre. Donc quand on dit la migration postcoloniale, moi ça m'apparaît assez logique, parce que finalement, il n'y a pas de solution de continuité entre la situation coloniale, qui est déjà une situation qui oblige à parler une autre langue, à comprendre, vous comprenez, d'autres règles, etc. Et de se trouver en minorité politique, ce qui est le fondement, bien entendu, de la colonie, et puis de se trouver dans ce pays, n'est-ce pas, la Belgique pour les Congolais, la France pour les Sénégalais ou pour les Algériens ou pour d'autres, etc. Il n'y a pas une rupture si extrême et certains intellectuels ne le comprennent pas. C'est-à-dire, je trouve que dans le débat, souvent, il y a des gens qui parlent des migrations comme si elles se ressemblaient toutes. Mais non, elles ne se ressemblent pas, les migrations. Elles se ressemblent pas du tout, ça n'a rien à voir d'arriver dans un univers venant donc d'une ex-colonie avec cette situation, et puis d'arriver d'un pays complètement étranger, et en plus on n'arrive pas ni avec les mêmes attentes, ni avec les mêmes exigences, bien entendu, je ferme la parenthèse, excusez-moi, vous avez compris que vous avez affaire à quelqu'un de très bavard. Mais ça anime tout à fait le débat, hein. Sans problème. Hein. Alors, bon, dernier élément, c'est la question effectivement du service public, d'éducation et d'université. en quoi ne serait-il plus progressiste? C'est vrai qu'il y a une pente glissante vers la marchandisation de l'école et de l'université, c'est bien connu, hein, le système néolibéral nous amène à d'autres objectifs d'ordre compétentiel qui pourraient remettre en cause le caractère progressiste et à visée émancipatrice de ces deux institutions. Mais c'est vrai quand même que la base interclassiste a fait quand même que dans l'histoire du pays, c'est vrai que l'école républicaine, ça signifie quelque chose, que l'université aussi, c'est quand même un pôle d'ancrage d'une certaine citoyenneté. Et il faut, l'enjeu est, comme vous le disiez, effectivement, d'ajouter aux critères classistes, hein, bien sûr, d'égalité, hein, face à la réussite scolaire, hein, à l'égalité des chances, le critère, bien sûr, de l'inclusion de minorités, hein, qui sont issues en particulier des anciennes colonies. Hein, et là, l'interrogation, la question se pose. Et à l'intérieur même du système universitaire, c'est quand même aussi l'objectif et les missions des sciences humaines et sociales qui sont aussi clés. Tout ce que vous disiez sur cette désertification, ce désert des départements ou des objets d'études liés aux études postcoloniales, mais finalement c'est l'analyse même de la situation qui est faite aux sciences sociales en France et dans de nombreux pays néolibéraux. Eu égard au fait que la discrimination s'ajoute sur ce terrain particulier. Donc l'enjeu, bien sûr, c'est de donner aux sciences sociales, de continuer à leur donner le rôle qui est le leur, qui est finalement le rôle d'analyse critique du système sociopolitique. Donc ça peut m'amener effectivement à ma communication, hein, si vous le permettez, sur la question donc, de l'éducation nationale en tant que telle, hein, à partir d'un point de départ qui est celui de la refondation, la loi de 2013, hein, sous le ministère Peillon. Voilà. Alors on a beaucoup d'espoir à l'égard de cette loi. Je vais essayer de décrire quelques éléments par rapport à notre objet de référence. Quels sont les acquis, quels sont les manques, bien sûr, qu'on peut lister dans le domaine des études postcoloniales dans l'éducation nationale. Et tout d'abord, en revenir au débat d'idées, à ces concepts que l'on retrouve à l'école, hein, comme dans l'opinion. Bon, le concept de laïcité, il est clair qu'il est quasiment hégémonique dans l'éducation nationale. Il y a eu la publication d'une charte de ce nom dans tous les établissements, c'était je crois il y a un an, cela suite au vote de la loi sur l'interdiction du voile à l'école. Bon, c'est les relations bien sûr entre République, école et islam qui ont été prises en compte dans ces éléments institutionnels et au nom d'une laïcité fermée. Hein, beaucoup d'observateurs estime qu'en France, on a une conception des relations avec le religieux, avec l'islam en particulier, qui est relativement fermée, à la différence du système anglo-saxon, où on sait que le voile a quand même plus de liberté d'expression publique, hein, dans le cadre des institutions. Alors, à côté du concept de laïcité, il y a celui de la lutte contre les discriminations. Celui-là a fait son entrée, véritablement, il était déjà existant, mais il est vraiment prévalent dans la loi sur la refondation. Dans le cadre de l'enseignement moral et civique, hein, EMC, mise en place par Vincent Peillon, par le philosophe Vincent Peillon, à la rentrée 2015, et qui vaut de la maternelle à l'université. Hein, il y a véritablement un cadre qu'on pourrait espérer être celui d'une meilleure harmonisation des relations intercommunautaires. Alors, si on lit le programme qui a été fait jusqu'en troisième, moi, c'est ce que j'ai pu lire, hein, ça a été publié en juin. Il y a quelques éléments comme ça qui sont, je dirais, un peu noyés dans l'ensemble et qui font référence à la notion de diversité. Mais, par exemple, à la lutte contre les discriminations, certainement que ça sera pris en compte, mais pas dans une perspective systémique. On sent qu'il y a quand même ce substrat universalisant et abstrait, hein, d'une citoyenneté abstraite qui empêche finalement la prise en compte intercommunautaire. Hein, il y a cette espèce de prévalence d'un cadre qui en soi est universaliste, individualiste, donc abstrait, dans la mesure où il ne prend pas en compte suffisamment les réalités communautaires dans ce qu'elles ont de culturel. Voilà, donc cet enseignement de la morale et citoyen a pris en compte des éléments notionnels de cet ordre, mais d'une manière relativement parcellaire. Voilà la conclusion qu'on peut en faire. Bon, dans l'article 1er du Code de l'éducation, le concept d'inclusion est inscrit depuis 2013. On peut considérer que c'est un acquis, sachant qu'il concerne deux types de publics, les élèves handicapés, tout d'abord, hein, et d'une manière principale, mais aussi les enfants allophones nouvellement arrivés. Hein, c'est un sigle, EANA. Et le principe directeur, qui est un petit peu innovant, réside dans le fait que l'apprentissage de la langue française s'effectue par la référence aux langues d'origine, aux langues maternelles. Donc, il n'y a plus ce système assimilationniste dans ce qu'il avait de déculturant que l'on connaissait au préalable et qui faisait qu'il y avait une espèce de tabula rasa. Hein, voilà. L'élève arrive en classe, hein, nouvellement arrivé en France, et on lui inculque des notions de français jusqu'à ce qu'il apprenne à parler français correctement, hein, sans aucune référence à la langue d'origine. Donc désormais, il y a quand même une espèce quand même de dialogue interlinguistique qui est un plus, qui est un acquis, et en particulier qui est un acquis au niveau de la formation en lettres modernes, puisqu'il y a une option FLE FLS, français langue étrangère, français langue seconde, depuis 2013 également à ce CAPES. Donc ça a été évidemment une revendication hein, des spécialistes du FLE FLS depuis des années, qui a été réalisée, qui a donné lieu donc à une officialisation au niveau du CAPES. Alors ce sont des gouttes d'eau, hein, c'est pas bien sûr qu'il y aura peu de spécialistes hein, de FLE FLS hein, qui vont pouvoir bien sûr à partir de leur expérience enseigner autrement hein, et donc d'une manière altéritaire hein, puisque c'est ça le but hein, de travailler donc dans une perspective d'altérité, hein, mais c'est déjà quelque chose. Hein, ce sont des graines, hein, à voir la récolte qui pourra en être faite dans l'avenir. Alors, un autre élément, maintenant pour en revenir toujours à cette question du concept, le concept de diversité. Il a beaucoup avancé depuis les révoltes juvéniles des quartiers en 2005. C'est là qu'on l'a entendu dans les médias. Il y a eu par la suite une charte de la diversité en entreprise, qui a donné peut-être des résultats moyens, ça serait évalué. A été créée aussi l'agence L'Accès, l'agence pour la cohésion et la cohésion sociale et l'égalité des chances, qui vise à renforcer l'efficacité de l'action de l'État en faveur des habitants des quartiers prioritaires et de la politique de la ville, de l'intégration des personnes immigrées et issues de l'immigration et de la lutte contre les discriminations. Alors l'éducation nationale, jusqu'à présent, est restée assez éloignée de ces problématiques. C'est l'entreprise et les médias qui se sont emparés de ce concept de diversité. Il y a encore un travail à faire à ce niveau. Par exemple, l'enseignement prioritaire est envisagé principalement sous l'angle des moyens et des ressources humaines. On va y mettre des personnes ad hoc, des personnels formés, quelques moyens budgétaires supplémentaires, sans envisager le côté culturel qui doit évidemment être pris en arrière-plan. Pour conclure le débat conceptuel, la laïcité offre un cadre adéquat, c'est vrai, pour l'harmonisation des relations intercommunautaires sur le plan religieux. On ne peut pas le nier. Mais ce n'est pas la seule réponse. Comme le démontre Régis Debré, les faits religieux sont des faits de culture. Il faut donc prendre en arrière-plan ces phénomènes culturels et linguistiques. En rester à ce cadre conduit à se cristalliser sur les relations avec l'islam et à ne pas prendre suffisamment en compte les questionnements identitaires qui sont en arrière-plan et que posent tous les publics, pas seulement les publics, bien sûr, d'origine musulmane ou du Sud d'une manière générale. Pour en revenir et en terminer sur cette question conceptuelle, la notion de la diversité est prise en compte pour les langues européennes. Pas pour le français, mais pour les langues européennes, c'est-à-dire l'anglais, l'espagnol, qui ont eux aussi dans leur propre champ, ça vous l'avez dit, effectivement, un travail d'altérité à faire hein, par rapport aux anciennes colonies hein, et aux pays qui sont anglophones comme eux, du fait de cette histoire partagée. Donc il existe le cadre européen commun pour les langues vivantes qui intègre ce concept de diversité. Par exemple, l'article 4 du référentiel des compétences professionnelles porte sur cela, prendre en compte la diversité des élèves, adapter son enseignement et son action éducative à la diversité des élèves, participer au développement d'une compétence interculturelle chez les élèves. Mais ceci est valable pour l'espagnol, l'anglais. Peut-être moins l'allemand, qui a effectivement un empire colonial, enfin je veux dire un patrimoine colonial moindre. Mais ce principe est tout aussi valable et pourrait être validé pour le français, la langue culture française, avec ses déclinaisons francophones. Alors, un deuxième point que je propose de voir, c'est l'acquis donc, en matière de diversité au niveau du cinéma. Grâce à l'accès en particulier, grâce au subventionnement de chaînes publiques telles que Arte, plusieurs films ont porté sur la vie scolaire, en partie dans les quartiers populaires. Bon, le premier qui a été très connu, hein, ce sont des films souvent très plébiscités par l'opinion et qui ont été primés, il y a Entre les murs, le film de Laurent Canté en 2008, adapté du roman de François Bégodeau, et qui a été palmé à Cannes, hein, voilà, Palme d'or à Cannes, hein, et véritablement on sentait que c'était un phénomène tout à fait innovant, quasiment révolutionnaire, que de voir une classe de banlieue, effectivement, avec tous les paramètres interculturels sous l'angle de la conflictualité, mais aussi d'une volonté d'harmonisation de la part, effectivement, de l'enseignant et du groupe, de la communauté éducative. C'était une expérience tout à fait remarquable au niveau de l'équipe que d'avoir pu, effectivement, filmer une classe, une communauté éducative et montrer tous les différents conflits interculturels qui sont à l'œuvre et comment empiriquement, bien sûr, les éducateurs et les publics scolaires arrivent à aménager quand même un mode de vie relativement acceptable. Bon, un deuxième film, bien sûr, La journée de la jupe, connu aussi de Jean-Paul Lilienfeld. Et là, c'est géré au niveau féminin. Hein, les questions de genre sont intervenues dans ce film pour montrer de nouvelles contradictions à gérer, de nouvelles relations à gérer. Effectivement, le caractère dramatique du film résultant du dialogue de sourds entre le groupe, classe, et la professeure sur la question des humanités enseignées. En sachant que dans les deux cas, c'est étonnant, mais c'est symboliquement important, il s'agit d'une classe en cours de français. Le français étant cette discipline quand même identitaire qui doit normalement cadrer les apprentissages en matière de citoyenneté, de relations au monde. Autre film plus joyeux, Les Héritiers, en 2014, de Marie Castille, mention Char, adapté de l'essai du lycéen Ahmed Dramé. Alors là, on voit effectivement une espèce d'émergence. On voit effectivement qu'il y a cet espoir qui, effectivement, de film en film, va dans le sens d'une construction sociétale au niveau de la communauté éducative et pourquoi pas, effectivement, au niveau institutionnel. Là, c'est l'histoire vraie d'une classe de seconde, de banlieue, à la dérive, en plein climat d'indiscipline systématique, qui participe à un concours national sur la résistance et la déportation des Juifs. Là encore, un travail d'équipe tout à fait remarquable et une construction interculturelle à partir donc d'un public d'univers d'origine diverse sur l'histoire donc de la communauté juive pendant la Shoah. Alors, je citerai un film que je n'ai pas vu personnellement, L'Esquive, d'Abdelatif Kechiche. Donc, peut-être que quelqu'un pourra le décrire, en 2004. Peut-être que vous pouvez nous en dire quelque chose, ou après, comme vous voudrez. Voilà, et donc la mise en scène d'une pièce de Marivaux, là encore en français, Le jeu de l'amour et du hasard. Et donc là encore, une mise en abîme de la représentation qui est portée par un jeu d'acteurs tout à fait remarquable, paraît-il. Bon, je n'ai pas vu le film, mais là encore, il y a une construction au niveau du travail d'équipe, paraît-il, remarquable. Donc c'est pour ça qu'effectivement, dans cette longue nuit, comme dit Mbembe, il y a sans doute possibilité au niveau pédagogique et au niveau didactique de construire des éléments et de tenter de faire remonter ces expériences au niveau, donc, au niveau national. C'est ça l'enjeu. Et donc tous ces films témoignent de l'urgence d'une adaptation donc, des réalités éducatives et scolaires à ces nouveaux contextes, vu la complexité des tâches d'enseignement et d'apprentissage dans le cadre d'un multiculturalisme ambiant. Et voilà, cela montre en positif la créativité propre des quartiers populaires et le partage des meilleures expériences. Donc ces films-là sont des outils précieux pour la formation des enseignants, initiales et continues. Alors, après ce point sur les médias, un point pourrait être fait sur sur les déficits en matière de diversité dans l'éducation nationale. Le cinéma, c'est comme le roman. On comprend bien que c'est une avant-garde. La création artistique est en soi toujours un élément d'avant-garde. Et l'éducation nationale, qui est une institution populaire, qui est évidemment très massifiée, a peine à aller effectivement dans ces, sur ces pistes qui sont des pistes innovantes. Donc il est clair qu'il y a des occasions qui ont été manquées d'aller dans le sens de la diversité à l'école. Alors, pour parler de l'histoire-géographie, il y a quand même un point positif, c'est que depuis la loi Taubira sur l'esclavage, crime contre l'humanité, cet enseignement est réalisé, est effectif. Par contre, dernièrement, dans le cadre de la réforme des collèges, cette année, l'enseignement de l'histoire des empires africains a été purement et carrément supprimé, suite à la campagne de Pierre Nora, que vous citiez tout à l'heure, courant nationaliste des historiens, voilà, suppression de cette séquence qui ne devait pas être donnée lieu à beaucoup d'heures. Il ne faut pas s'imaginer qu'on passait beaucoup de temps à parler des empires africains précoloniaux, mais c'est vrai que c'était quand même une entrée intéressante pour montrer que les peuples africains ont une histoire, à la différence de ce que disait Sarkozy à l'université Anta Diop de Dakar, et que donc les élèves français pouvaient bien sûr être informés de cette histoire-là. Alors, donc non, il n'en est plus question. Donc pour l'instant, la représentation donc, du monde noir, c'est sous l'angle effectivement du passif victimal, l'esclavage. Donc il n'y avait pas ces deux piliers qui permettaient un petit peu d'optimiser la vision qu'on peut avoir du monde noir. Alors en lycée, la question de la littérature francophone, il y avait eu effectivement une émergence lors de la réforme de 2001, c'est-à-dire possibilité et même devoir de l'enseigner en seconde, avec la littérature européenne en première. Il y avait une espèce de succession très intéressante en matière donc, de littérature différenciée, et ça n'a jamais été suivi d'effet en l'absence de documents d'accompagnement qui permettraient aux professeurs de l'enseigner dans de bonnes conditions. Donc il y a eu un effet, une espèce de blackout implicite qui a amené finalement l'inspection générale à être dans l'illégalité la plus totale. Ce qu'on disait sur la question de la police par rapport à l'état de droit, c'est exactement la même chose pour l'éducation nationale. Des textes officiels peuvent très bien ne pas être respectés sous certains aspects. C'est le cas de l'enseignement de la littérature francophone. Un autre exemple de déficit, c'est l'enseignement de l'arabe, qui reste très marginal en dépit du grand nombre de locuteurs naturels, d'arabophones en France. Dans mon lycée, sur Toulouse, l'enseignement de l'arabe va être supprimé l'an prochain, sans doute pour des questions budgétaires. Voilà. Ce qui était quand même un peu une spécificité de ce lycée, ce qui était quand même, je trouve, un facteur d'ouverture au monde, eh bien voilà, ça ne sera plus l'an prochain. Bon, l'enseignement moral et civique, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, je voulais citer quand même le fait que Abdennour Bidar a été chargé de mission pour cet enseignement. C'est quand même quelqu'un, un philosophe, voilà, puisqu'on parlait de philosophie tout à l'heure, qui combat les dérives des deux côtés. Il est quand même assez populaire, il publie beaucoup, en particulier des petits livres très grand public, « Lettres au monde musulman »,« Plaidoyer pour la fraternité » et d'autres. Et donc, moi, je trouve que son positionnement est intéressant dans la mesure où il combat les dérives des deux côtés. Le fondamentalisme musulman, les discriminations ethno-raciales en France. Et donc, il a une espèce de juste milieu assez intéressant. Et de ce point de vue, il est assez, assez reconnu dans ce parcours. Donc là aussi, peut-être une graine d'espoir à voir dans l'avenir ce qui pourra être construit à partir de ces éléments et, en l'occurrence, de cette personnalité. Et alors pour terminer, je voulais citer donc sur le plan institutionnel les rapports ministériels sur la refondation de la politique d'intégration. Alors qui datent de 2013, qui sont à l'initiative de beaucoup d'universitaires, en particulier de la diversité, Boubeker en particulier, Fabrice Dume et d'autres, des sociologues, et qui sont très très intéressants sur plusieurs aspects disciplinaires, en particulier qui montraient qu'on pouvait bien sûr enseigner d'une manière plus altéritaire. Et finalement, il y a eu une polémique de la part du camp nationaliste, et ces rapports ont été quasiment enterrés. Au départ, ils étaient sur le site du Premier ministre. Jean-Marc Ayrault avait fait un effort louable dans ce sens, et le changement de gouvernement... Le changement d'alliance a fait qu'évidemment ces rapports ont été enterrés. Bon, il en est resté une petite feuille de route assez confidentielle avec une trentaine de mesures dont pour l'éducation nationale, une formation des enseignants dans les SP à la lutte contre les stéréotypes et en faveur de la diversité. Voilà, une feuille de route qui date de février 2014. Voilà. Alors, bon, ça c'était la part institutionnelle, pourrait-on dire, de l'éducation nationale, acquis et déficit. Et pour terminer, quels seraient des éléments d'éducation à une citoyenneté de la diversité? Alors, moi je verrais deux points. Il y en a sûrement d'autres. Bon, moi j'ai vu ces deux points. C'est la formation aux fondamentaux de l'anthropologie culturelle et de la géopolitique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les enseignants sont formés à la pédagogie interpersonnelle. Hein, donc cette citoyenneté de l'individualité, hein, c'est la pédagogie. Ils sont formés donc à une vision sociale et classiste des enjeux éducatifs. Et donc en termes d'objectifs d'égalité, ce sont bien sûr des personnels qui sont tout à fait aptes à travailler bien sûr pour l'égalité des chances. En revanche, il leur manque beaucoup d'outils théoriques en matière, et c'est normal, vu ce qu'on a dit tout à l'heure, en matière d'anthropologie culturelle et de géopolitique. Et les deux sont liés, parce que c'est vrai que la République française est déficitaire par rapport aux questions culturelles. Une chose que je n'ai pas eu le temps de dire, c'est que les cultures régionales ont été les premières impactées, bien entendu, par cette conception-là de la citoyenneté. Des langues telles que l'occitan sont vraiment en danger en France même du fait de cette politique-là dans l'éducation nationale. Et donc, bien sûr, dans un deuxième cercle concentrique, ce sont les langues cultures de l'immigration qui, elles-mêmes, bien sûr, pâtissent de cette conception-là. Et donc, bien sûr, former les enseignants à l'anthropologie culturelle, c'est les former à une vision comparatiste des patrimoines culturels, et donc une vision un petit peu distanciée par rapport à tous les cadres qui peuvent être ethnocentrés ou européocentrés. Parce que c'est vrai qu'au-delà de l'État-nation, il y a cette Union européenne qui peut être, elle aussi, un carcan. On le sait, c'est un carcan néolibéral, c'est aussi un carcan culturel, puisque les langues européennes sont quand même relativement enseignées à l'école, bon, sauf certaines minoritaires telles que le portugais, c'est vrai, ou l'italien, mais dans l'ensemble, il y a quand même cette unité européenne qui peut devenir un carcan si elle n'est pas mise en dialogue avec les périphéries, et donc en partie, bien sûr, les langues cultures de l'immigration. Et donc, la géopolitique, c'est cet arrière-plan international qui nous permet d'envisager les langues cultures de l'immigration dans leurs enracinements, bien sûr, internationaux. Ces élèves-là, ces publics, ils ne viennent pas du néant. Ils ont tous une famille, un patrimoine culturel avec lesquels, parfois, ils gardent des relations vivantes. Ils parlent des langues natives, etc. Donc, ça, c'est... Et alors, il y a des amorces de travaux qui sont faits sur le terrain, en particulier au lycée Le Corbusier d'Aubervilliers. En juin 2015, il y a eu un colloque « Anthropologie pour tous ». Et c'était très étonnant de voir des gens, des anthropologues, avec des élèves, donc de toutes origines, discuter d'une manière extrêmement, moi j'ai trouvé, conviviale, sur la question des mythologies. Donc là, leur objet de référence, c'était les mythologies, pour essayer de revenir finalement à ces phénomènes symboliques, cette conception d'un imaginaire collectif qui permet de dépasser les clivages intercommunautaires. Et alors, deuxième point qui finalement est l'objectif d'une éducation ou d'une formation refondée, renouvelée, c'est le dialogue des cultures. Parce que c'est vrai que la diversité, c'est un concept un peu qui a son importance, mais qui est peut-être qui est limité. Et le dialogue des cultures, c'est une dynamique qui permet de faire que cette diversité, elle ait un sens. Et elle aille vers des synthèses constructives. Parce que c'est vrai que l'esprit français, s'il en existe un, mais je pense qu'il en existe, il y a une épistémée, enfin, un esprit dans chaque peuple, ou dans chaque État-nation, c'est vrai que c'est un esprit de l'unité. Alors l'unitarisme républicain est un mal. Par contre, la synthèse, aller vers des synthèses, c'est sans doute une forme de logique collective qui mérite d'être cultivée. Et donc le dialogue des cultures permet d'aller vers des synthèses constructives. Bon, je citerai pour finir un sociologue tel que Touraine, vous en parliez tout à l'heure, il est de cette école, Et donc Touraine, pour moi, ça a été vraiment quelqu'un qui a vulgarisé les notions de l'interculturel. Par exemple, en 2005, à Fayard, il a écrit « Pour un autre paradigme hein, », pour comprendre l'évolution du monde, je ne me rappelle plus le sous-titre, où il montre bien que cette conjugaison des critères culturels, qu'ils soient d'ailleurs de genre, d'origine ou d'autres, c'est un des facteurs prévalents de la mondialisation. On ne peut pas sortir de cette dynamique qui finalement apparaît comme incontournable. Alors, je peux citer un passage de ce livre, où il montre que finalement cette étape, ça serait une troisième étape pour la République française en tant que telle. Hein. Et selon lui, le sujet moderne s'est incarné d'abord dans l'idée de citoyenneté qui a imposé le respect des droits politiques universels par-delà toutes les appartenances communautaires. Bon, en fonction de ce fameux critère de liberté que nous voyons bien sûr mis en valeur dans le conflit, dans les polémiques actuelles avec l'islamisme radical. Et selon lui, bien sûr, la deuxième période, bon, beaucoup d'historiens sont d'accord là-dessus, hein, estiment que c'est le paradigme social, hein, c'est la lutte pour les droits sociaux, les droits des travailleurs qui a été au centre de la vie sociale et politique, et pourquoi pas un critère au nom d'un idéal d'égalité. Et Touraine, aujourd'hui, l'installation du paradigme culturel met au premier plan la revendication de droits culturels. De tels droits s'expriment toujours par la défense d'attributs particuliers, mais ils confèrent à cette défense un sens universel. Voilà, donc il voit une troisième étape paradigmatique à cette évolution, et pourquoi pas un objectif fraternitaire, hein, altéritaire, il y aurait sans doute des adjectifs qui pourraient marquer ce type d'évolution. Et ceci dans la société des médias, parce que l'interculturel, il s'incarne dans la société des médias, à la numérisation des échanges, la médiatisation des échanges, c'est ça qui permet à ces dynamiques de se mettre en place. Alors on en voit bien sûr l'envers, hein, ce dialogue de sourds et cette guerre froide dont il était question tout à l'heure avec l'islamisme radical, mais il est clair qu'il est possible sans doute d'inverser la donne et de construire des dialogues plus harmonieux. Voilà, pour conclure, il semblerait qu'il y ait deux modèles sociétaux qui s'affrontent hein, en France, et c'est ça le cœur un peu du débat politique, hein, même dimanche prochain. Hein. Donc le modèle universaliste, assimilationniste et nationaliste, hein, et donc le modèle interculturaliste hein, qui fasse de ce dialogue avec les périphéries donc une autre construction citoyenne possible.